بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن خطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين أهل طريقة الفائزين الرابحين أما بعد gennab ñu sant yalla julli ci yentibi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñi ngi delu su wat ci kon yegal fi ñu yomon ci kanzul awwal ci al-kunuzul ashara bu sayyid al-imam salahuddin tijani alayhi ridwanu rabbani yexi nañ ci wal ci xawali mun insaan manam moy aduna yi nga xamantene ñom ñoo nek ci doomu adama ñoo aduna yi nga xamantene ñom ñoo nek ci doomu adama gisoon nañu la amna aduna bu ñuy wax lan yaram gisone nañ benen aduna buñu wax lan xol gisone nañ benen aduna buñu wax lan nafs ak ban ruh hein ak lan hein bala Isso bem, vamos ver né? Hm? Lá, já lá tudo, já lá tudo bom. Do, isso, já, há, qual a que, bacan? Ah, a mulher, a mulher lá, lá. Am na fúnio, am, nun, tu bem ligeiro, tu le cœur moy xol lol gis nañ ko amna benen buñu djégé lol gis nañ ngeen non amna buñu djégé bo xamantene moy tax ñuy waxtaan ni moy tax ñuy waxtaan suma waxe nga comprendre li ñuy wax lan hein non xel voilà voilà xel l'intellect après wax gis nañ tamit ala khulu sami moy l'intellect suprême té mom moy ci xol la né loolu lañ doon wala que d'ailleurs loolu lañ nekkon bo moy moy guddou nak bobu nak mo guddou voilà maintenant gis nañ tamit rapport yi nga xamanteni ñom ñoo nek entre ruh bakkan yaram ak manam xol han ak tamit de lan moy de han voilà gison nañ tamit luy de donc ek de voilà ak tamit ci walu yaram ci walu xel mais kon yaram day de ak xel ak xol ñom dañuy de mais ruh du dé day dem ci borom day dem ci tosanam borom xana dara e que bakkat mom day mos dé voilà day mos dé après mu continue wa nek ci benen dundu voilà légui nak ñuy gis 8ème point bi ben ki bu am solo bi bi tamit parti bu gudd lay doon inshallah mais c'est très important borom moy alamul khayal mu ñu alamul khayal mondu mu alam moy mondu aduna al khayal khayal moy janer manam moy la fiction wala imaginal le monde imaginal ki la nak bo xamne aduna la bo xamne manam dafa am xam xam yu ci aju yo xamne il faut que nit ki munu nek deug deug manam munu nek nandité manam ñu nandité ci walu borom manam moy arif billah sans mu nek sa un connaissant par Allah loolu mu nek ko xamne day comprendre alamul khayal dakoy xam ba par dakoy maîtriser parce que alamul khayal moy alamul barzakh dañ ko xam alamul barzakh barzakh c'est l'isme l'intermédiaire le monde intermédiaire voilà donc toute chose bo xamantene dafa nek intermédiaire entre ñaari mbir lool lañ wax barzakh voilà comme ni nga xamantene non lañu gisé ni nit ni mu nek intermédiaire entre monde animal bi mais aussi ak monde céleste bi ah nit intermédiaire la parce que day am caractéristique ñaari caractéristique yépp buñ xolé grain bi le grain ni mu nek intermédiaire entre garab ak fruit bi ak garab ak fruit bi moy jiw bi et que donc aussi intermédiaire la entre la vie et la mort en même temps le grain parce que le grain là en tant que tel mënonu ñu ngi dund mais mënonu dafa dé voilà donc tout des fois exploitation bi ko def hein voilà comme ni nga xamantene non la barzakh manam amna luñu wax barzakh ma nit ñi buñu déré fi ñi dem ni mu nekk entre aduna ak al-akhirah la tombe voilà alhamdoulillah la tombe ci aduna la bok manam buñu gassé dañu gis fi ci souf la né bam na et pourtant manam ci aduna la bok et pourtant al-akhirah la bok am ça dëgg donc bokul fenn ci ñom ñaar intermédiaire la ah motax il faut que comme ker ak jant ker gi ak jant bi ak tangor bi ker bi ak nag bi amna ben ligne intermédiaire ku ci nañ entre ñun mindeef yépp ak yalla amna intermédiaire muy sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam wala xamantene manam kokku non il faut mu baña nek xam nga pour nga mëna nek intermédiaire bobu il faut nga baña bok ci benn ci ñaari caractéristiques c'est à dire que nga baña nek lenn totalement il faut nga nek lenn nga yor caractéristiques yenn ci caractéristiques bi yor yenn ci caractéristiques bi bu ko defé nga mëna nek intermédiaire quoi wala comme la maradjal bahrain yal taxen bayna ma barzakhum la yabghina comme ni ko orfan wax ñaar geejji gis nga bu ni dawe di dajé manam lo salé ak eau douce ñom ñaar bu ni dajé ndox ñaar ndox yoy bi dafa sax xorom bi dafa ñom ñaar amna fu ñuy dajé ci benn barzakh benn ism hein donc benn médian intermédiaire bo xamantene fofu lañu nek lool mom moy addu mo nañ ñu ko barzakh manam légui nak barzakh xolal par exemple entre sa idée ak expression il y a les mots qui sont l'intermédiaire mouy hein voilà entre man tay fi tolu man ak yeen sama wax bi intermédiaire bi dox sama digënté ak yeen manam man sens bi nek ci man pour me transmettre ko ngeen dégg ko il y a les mots donc qui sont voilà ça veut dire donc toute chose donc c'est le monde le plus vaste. Le monde des intermédiaires. Le monde... L'isme. Isme. Voilà. Hein? La, les barrières. Voilà. Maintenant, on va dire... Il y a des tours. Il y a des tours qui sont des tours. C'est-à-dire que... voilà l'existence là. Bon, pour revenir sur intermédiaire, existence. L'existence, nous, une existence. Donc, on est intermédiaire entre ce que vous savez, c'est-à-dire que ce que vous savez, obligatoirement, c'est que le nécessaire et ce que vous savez, c'est l'impossible. C'est Allah, voilà. C'est Al-Muhal. Nous, une existence, on est entre les deux. C'est la possibilité. Voilà, l'éventualité. Tout simplement. Voilà, donc... ki nga xamantene mom moy motax borom subhanahu wa ta'ala le monde intermédiaire pourquoi c'est le monde le plus vaste moy dafa am luñu tuddé hadaray dafa am luñu wax al adam adam moy le néant fofu rien dara munu duggé fofu di exister lolou man da nek wala ñu al muhal hadratul muhal moy l'impossibilité toute chose qui est impossible deng lepp lu impossible do du mëna nek du mëna am mu am hadara bi nga xamantene hadaratu wujub la wala al wajibat moy yi nga xamantene dañu war ça dit que yoy c'est impossible mu baña am comme yalla yalla yalla c'est impossible mu baña am avec tous ses attributs et non c'est impossible comme mu baña am lool légui mu am ci digënté bi li nga xamantene et que tout c'est à dire que voilà il faut ñu comprendre manam moy xam xamu yalla tout est dedans l'impossible et le et l'impossible hein lu mënul né lu mënul né mi ci xam xam le possible mais aussi le nécessaire mi nga xam tane dafa wara am fawré am moy lu ñu wax wajib ma nga xam tane ak ñak am man ta né lolu day nekk ci xam xam yalla mais aussi mi nga xam tane éventualité yépp la day nekk ci xam xam yalla et que mi nga xam tane mom moy mustahil mu nane mustahil la yi impossible tam dafa nek ci xam xam yalla d'ailleurs yalla daf koy xam ba bari xam ana naka xam lolu su amone manam li nga xamne munta am su amone naka lay amé andak ni munta am ah su amone naka lay amé voilà ak lan mo ci suivre comme conséquence lol ci bir xam xam bi ni moy xam xam alamul barzakh yenen ti alayhi salatu wassalam don nañ ci borom subhanallahu xam xam bob wa khala alquran nan wala ruddu la adu liman huwa anhu innahum lakathibun xam nga bu gaay nan yalla delo ci watni aduna bu ñeké sawara aduna tukki na gaay jël ñu nepp atina ñu yobul ñu sawara ñu na delo ñu ci aduna xam nga lolu manatu la nek mais yalla neena pourtant bu mu len genné won delo wat len danañ delu wat xam danañu delu wat ci lañu nekkon andak ne lolu man tane mais yalla neena mu amone xamna namuy defé manam moy dañu delu wat ci dañ nekkon ak law kana fihima alihatan illa allah la fasadata manam bu fekkonté né benen yalla bu bokut ak yalla amna xam nga and ak lolou dafa impossible totalement benen yalla bu bokut ak yalla existé lolou dafa impossible totalement and ak lolou yépp mu né su amone kon fi ci ko mom dañuy yak mom yak mo fi am donc ça veut dire que donc mom dafa xam même li nga xamanté né dafa impossible ba bari xam né lolou impossible su amone nak lan lay amé ak lan moy conséquence wala nit yalla bo yenenti ayyub sallallahu alayhi wasallam dañu don moy ilmu ma lam yakun law kana kayfa kana lol dafa am xam xam bu tuddu nonu ci ñom manam xam xamu lo xamantene mantal la waye nak bu nekkon nakalay nekké wala lu nekk nakalay nekké xolal fi ni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne law ne hein ne law ta'lamuna ma alimtu la baqaytum kaseeran wala dhahaktum qalilan suma solen xamone lima xam and ak lolou munu nek te nekut tam ñun xamuñu lu yent xam yent bi sa xam mune waye solen xamone lima xam mune kon di ngeen di joy lu beure ci di ngeen di reenu tuti xam nga lolou andak ne xam nga munu ñu tok naan wa mais yent bi nan la xame ni lolo xew buñ ko wa andak ne pourtant voilà hein voilà nak law moy hadith yoy tabale law la alimu ma voilà comme bu neew bo len xamone li nekk ci noddu ak ci sappu bu jekk bi kon da ngeen di jitu voilà li ngeen di jekk ak yoy non andak ne xam na ni ñun xamuñu ko te mënuñu ko xam loolu motax dama bok ci xam xam yi nga xam tane mom do ko xam yalla xamal ko ko mais du ko xam de mais and ak loolu yépp yeen nabi sallallahu alayhi wasallam xam na loolu bu amon nan lañ ko nan lay nekk yeen nitu yalla tamit dañuy am loolu dañuy xam loolu dañ nan ah diiré bu xewon li moy xew wala amna xam xam bu tuddu non ci ñom mais lolu yep c'est parce que dafa dugg ci cadre li ma lay wax ni manam moy dafa am kon mustahil li nga xam dafa impossible am li nga xam tane dafa war mu am benen hadara bo xamantene hadara bu yaatu la mu tamit mu tuddu hadaratul imkan hadaratu manam la hadara de l'éventualité de la possibilité fofu nak la yalla di genné mindi fi donc mindi fi l'existence genné wul ci hadaratu wujub genné wul ci hadaratul muhal genné wul ci hadara nécessité obligation genné wul ci hadara fan impossibilité mais ci hadara éventualité li genné possibilité mindi fi fofu lañu genné fofu la lañu yalla bindé ce qui fait que day genné fofu lu ko neex genné fi lu ko neex wala mu baxal lu ko neex ça veut dire que dara possible que mu existé ko manam yalla amal ko lolu amna maintenant le fait que mu genné ko ci ñak am indi ko ci am lolu tamit benen affaire la ciobo rem la mais ci hadar bobu lañ existé mais hadar bobu barzakh la ça veut dire que barrière la isme la intermédiaire la entre li impossible ak li obliga li nécessaire li possible li nak dafa wara manana voilà donc yoyu lolu yep ci voilà légui dañ koy tuddé kon alam barzakh dañ koy tuddé tamat alamul khayal voilà khayal khayal parce que tout simplement xelul parfois manam xelu kessé du fa dem parce que ay mbir la yo xamantene xelu nit munuko saisir donc c'est la fiction c'est l'imaginaire et que aussi ay monde lañ yo xamantene monde existant la monde réel lañ mais monde la bo xamantene ñu bari xamuñu existence manam seul awliya yi seul wali yalla ñoo xam existence donc voilà et que monde bobu amna dañ koy xamal alamul misal parce que moy le monde des symboles parce que nit ki buy gënt bu duggé en fait buy nelaw suy nelaw xolam day dugg ci aduna bobu mais su duggé ci aduna bobu selon état de pureté ruham day gis monde bobu li fa xew et que mu mën ko jël interpréter ko fi donc selon état de pureté ruham voilà et que parfois du koy gis exactement comme mu nekk parfois mu gis ko par des symboles fof donc lolu motax ñu ko tuddé alamul misal donc le monde des symboles et que dit kuy nelaw ko né ñun ñep xam nañ lolu manam jarul kenn di wax né way man gënt na musna gënt parce que tout le monde l'a fait le rêve et que voilà et que non voilà mu am benen affaire bu ñu ko tuddé tamit alamul maani alamul maani aduna le monde des sens lutax parce que monde bobu yo xamantene dañu abstrait dañu am fofu des formes concrètes ci aduna bobu lepp lo xamantene fi ni comme yi nga xamantene mom moy ay fulu ay jom fayda mbax bëgg yoyu nga xamantene ce sont des choses abstraites hein gor gor lu ay xet yoyu non voilà les jours des jours hein ak yu mel non xamane les jours afi dañ en forme abstraite bo xam dem dañ koy concrétiser par ay tour yu ci tek yoy nga xamantene dañ am toutes les formes abstraites fi fofu dañ fa am ay formes concrètes yu man yu palpable ci aduna bobu et que aduna bo xamne li ci bokku ci li ci yeme moy aduna bo xamne takaliko wul ak suñu aduna ñun c'est-à-dire qu'on est en contact. Ce qui veut dire qu'il n'y a que le dévoilement. C'est-à-dire qu'il suffit que nous ôtions le voile, nous disons différentes armes. Voilà, il suffit que le voile soit différent avec armes. Et pourtant, on est dans ce monde-là. Mais, lolu, Inch'Allah, si nous disons le chapitre qui est, la partie qui est, Inch'Allah, amana voile lu beuri dina dem voilà voile lu beuri dina oté wu ba xamanteni di dina ñu di dund voilà ki ak monde bob inshallah donc légui nak loolu lay wax mu ne kon légui mu ne alamul khayal muna muna alamul khayal aduna bobu ñu xayal huwa mom alamul aduna lo bo xamne haqiqi bu deug la fi bu deggul bu am la fi nafsihi ci jëmmi bopam wo wote mom mahal moy beurebu zuhur feñ way kullu mahal lepp lo xamne dafa man tane ma mahal moy li nga xamantene hein dafa impossible ma li nga xamantene ñom dañu impossible ci xel fi fofu nonu dañ fa exister réellement donc c'est l'endroit de l'apparition ou de la manifestation de choses impossibles au bout hein ah d'accord deng deng kon lepp lo xamne dafa impossible bi xeyna ci pexeya wala ci jumtu wa al akla khal wa quyud wa bi quyudih ak ci ay teunkum manam kon meunoti nga xamantene ñom la la xel di meunoté parce que xel dañ ko meunoté dañ ko restreindre ci ay ka ci ay mbir mo xamantene non rek la mëna comprendre mënu comprendre leneen lool mom motax alamul khayal xel mënu am accès ci lool wa zalika ta lool buñ lay dox exemple alamul khayal dañ nan misla dafa melni amiratin amira moy kilifu manam bour bu jigen donc une reine une princesse ah plutôt une princesse ahabat bo xamantene dafa bëgg faqiran waju ndul wajo xamantene c'est un pauvre un vrai moy pauvre au vrai sens du terme un vrai pauvre waji legui donc la princesse est tombée amoureuse de voilà d'un pauvre voilà de la rue quoi legui fala tastati'u legui duñu man antawa adawo ci mu joxante ak mom rendez-vous fi qasriha ci palais bi donc palais bu ñu fa dajé c'est impossible wala tastati'u te mom man ta dem antasafa muy dem ila yi ci mom fi ko kawxi ci neegu ñaxam manam mo mënu ko rek ta fekk ko ci neegu ñaxam casa donc comment elle va faire fatawa adahu joxante ak mom rendez-vous manam mu joxante ak mom dig dajé rendez-vous fi makane ci beurep bo xamantene wasatay bu digënté la bu diggu doomu la baynal makane ni digënté ñaari beurep yi donc ñu tassé dans un lieu intermédiaire voilà bu ko defé fatakhla muslimi malabisal amirati manam yeri principauté manam le fait que mu nek reine yeri yoy nonou légui da koy simi parce que mu xol yoy yeri di ñew di tassé waji wa tadhhabu mom tam mu dem ndaw si dem ilay ci mom han mutakhafiyatun di aju neubutu buy dem aussi di sét ci wajoy fo mu neubutu munul dem tamit fen ni comme par exemple hein buñ jël comme reine d'Angleterre ni tay bu fekkonté né da tombé amoureuse ak kan un pauvre bi nga xamanténé ben neegu ñax la am par exemple ci dëkk allu yi par exemple fek buy dem manam mom du ko mën invité ci palais mais mom bu dem mën ko fekk fo buñu dajé ci lieu bo xamné intermédiaire la aussi mom buy dem du sol ni sol ki couronne bi sol yiri reine ak yoy day gëna day sol lu gëna sobre touti wa tazhabu deug wa yalbasu momit waji tamit day sol huwa mom ajmaluma li gëna rafet li nga xamne indahu neena fa mom min siyab ci yere mom dam du mëna sol sax yere yu ki mais li gëna rafet ci yere yu yor lay sol donte deug kay bu ko rafé yakunu mu nek mutakhaffiyan di aji laq di aji neubutu mom tamit ay dam batay manam mom tamit de ce fait daf koy permettre mu ne dissimuler wu par rapport ak mas pauvre yi mu nekkal wa fi hadha al makan ci beurep bobu nak yahdasu ci lay xewé baynahuma sen digeunte jamon ak dajé sadik une union wa fana ak jeex ku ne jeex manam moy extinction annihilation légi kon fala yé légi bu boba ndaw si dootul nekati amiratun prince princesse doot ko nekati doot nek ran wala wo waji tamit dootul nekati faqirun op ndol ñom ñaar légi kenn doot nekati doot yor ci sa statut mais union day dal di am et que kenn ku ci nek da ngay rejoindre manam ñoom dañuy nek ci ben ki bu commun en fait statut commun lañuy am ben genre statut quo bu ñu retrouver wu ci sen statut nga xam len mom lañu yoron avant donc sifatuha ay melom mom ndaw su boba min sifatuhi day nek ci day bok ci meloy waji wa sifatuhi ay melom mom waji min sifatuha day bok ci meloy ndaw su fa dara jaan bu delo nak al amiratu manam princesse bu delo waté nak buru ila qasr ci palais ba wal faqir pauvre ila koxri ci negu ñaxam ndol fal amiratu bu boba nak princesse bi amiratu day delu nek princesse wal faqir ndol bi aji ndol bi pauvre bi faqir mu te nek ndol nek pauvre fa alamul khayal nak legui nak aduna bobu nga xamne moy alamul khayal huwa mom moy zalikal makan moy beurep bobu alwasta bu digg doomu donc c'est le monde intermédiaire bi nga xamantene kenn ku ci nek da ngay jugge ci fi nga nek ngeen dajé ci ben monde intermédiaire hein haythu fi nga xamantene yatta sayu dana yaatu li yatta jalla bu ko defé mu meuna feñu alhaq bur yalla bi deug wa tanazzulati ak ay wacc descente yi nga xamantene mom lay def wacc yi nga xamantene mom lay wacc bi sifati ibadi ci ay melo jabo ce qui veut dire que yalla legui dootu yorati melo manam buy wacc day def descente voilà voilà entre deux qui voilà ça veut dire que donc entre les mi tadi ke donc buy wacc day wacc ba nga xamantene parce que su waccul ba fofu nonu du meuna feñu jami ci du len meuna du meuna manifester wu ci melo yi manam yo xamantene hein ay melo jami la comme rem bi rek bu waccu won ba ci niveau bobu du meuna yor quelques caractéristiques du pauvre ni ko pauvre su yegul touti du meuna yor quelques caractéristiques de la reine et que ñom ñaan ñu meuna dajalo bol voilà fi tamit yalla non la ça dit que dafa am ay caractéristiques yu mu yor yo xamantene ay melo yo xamantene mom la am il faut pas que ça dit que yalla avec tout avec le fait que mu transcende lepp mu nek ko xamantene nit ki mënul imaginer mënu ko imaginer xelam mënu ko mën ci ag parce que yalla lool la mel xel nit ki mënu ko atteindre et cetera ak yoy yep maintenant pour mu xamal ñu bopam da fay def ay redescente wa day jugge ci niveau wum def une descente pour se manifester hein voilà mais suñu manifester wu ci jambi il faut mu manifester wu ci mom lo xamne jambi xamna a peu près lan la manam il faut jambi capable xam ni li lay tek comme par exemple ñaan yalla dafa bax il faut que jambi xam lan moy bax ça dit que il faut mu créer quelque chose ci jambi lu tuddu bax et que jambi wala yeurma de ce qui fait que bu ñaan yalla dafa yeurma mu meuna am a peu près ben idée voilà et que mu baña nek rek lo xamantene du am ben sens ci bopam mais lool en réalité yalla dafa il est au-dessus de tout cela comme niñ ko gissé won ci islam absolu voilà il est au-dessus de tout cela mais il faut que pour mu wax ñu manam pour ñun ñu mëna am ben idée ci mom il faut que mu ñu wan voilà que ñu day note day voilà dafa yaat yërmé dé dafa bax hein dafa tabé des généreux etc mais c'est parce que ça ce sont des caractères aussi ñun am yo xamantene daf ko bind ci ñun donc ñun il faut mo ñu évoluer en fait pour qu'on ait à peu près ñu mëna xam à peu près lolu lan lay tek ñu tour conscience ba bare légui nak ñu né voilà gis ci lolu voilà yalla voilà ça dit que ñu mëna ko renvoyer mais que buñ ko waxé ci mom ak buñ ko waxé ci ñun ñu nekk ben donc le sens n'est pas pareil mais que lolu descente la bu yalla def c'est une descente bu yalla def pour yor suñu caractéristique mais amna yenen caractéristique yu gëna évoluer lolu amna yenen caractéristique yo xamné ñom ñu gëna inimaginable ci yalla yo xamna après inshallah mom la dikki mam mais caractéristique yoy yalla ni mi defé redescente pour mëna jël manam nga xamné nit ki mënul imaginer yalla dana mel non xelam rek ñu ko may mais que yalla mo moko informer ni loolu amna xam nga ñoo fofu après ñu julli ba pare bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd kon fini yamon kon mom moy ne kon alamul khayal moy digeunte place bobu nga xamantene aduna bobu diggu doomu bobu nga xamantene da fa yaatu yaatu bo xamne meun na contenir ay manifestation borom subhanahu wa ta'ala ay apparition ñam feñu waye ak ay waccion ñu tanazzulat mom le fait que muy am une descente voilà à mi-rencontre voilà mi-rencontre entre mom ak minde fi ni manam ci ay melo nga xamantene day yor day jël ay melo minde fi mais aussi affaire bi lu yom fof kesse mais que minde fi aussi dañuy jël ay melo mom yalla donc moy aduna bobu nga xamantene ni rencontre dof ci am legui mu len di énumérer donc ben par ben wala wala mune akhbara khabarana mom bur ya allah taala ajika inna fi bopam ala lisanati lamin rasuli ndawmi sallallahu alaihi wasallam anno nak mom kat yata bashbashu ne day am ak mbitt ci tawarte manam moy ben enthousiasme bu muy am ci ci ay xew xew te xam nga lolu souvent te lolu xamna ni nit moko am manam minde fi ñoo ñoy am caractéristique yoy voilà yi muy tuddu ni ay caractéristique la yo xamantene manam ci yalla ci nek nekam dafa impossible ci mom mais sauf que ci tajalliyatam mom ci wacc gi muy wacc ak tanazzulatam yi xamna mom lay def ci la koy defé ci alamul khayal lolou tax mo possible c'est à dire que sans ce milieu là manam sans endroit bobu nga xamantene mi rencontre daf ci meuna nek donc muy manam kon yépp manifestation yépp du meuna nek aussi voilà manifestation yépp du meuna nek ndax yalla day nek yalla jambi nek jambi mu am ben gap bu mak seen digënté bo xamantene comme kenn yorul say caractéristique ku morom parce que caractéristique jamb déjà premier mom moy dafa bari ay mbir yo xamne dafa impossible ci yalla té jamm mom lolu dafa essentiel ci mom moy par exemple moy le fait que mu nek rek ko xamantene dafa mumkin la manam dafa contingent dafa éventuel dafa possible lolu dafa impossible ci yalla yalla wajib la c'est-à-dire que nécessité l'existence manam xel mënul nangu yalla baña exister lolu xel man ko nang effectivement xelu ñu gatt ñokoy concevoir mais xel bu raisonner rek du mëna nangu yalla baña né ni ki nonu jam dafa am ay caractéristiques yu essentiel ci mom lu démé néké ak doyé di ak ñak ak rir hein ak matadi té lolu dafa impossible ci yalla donc par leur essence yalla ak jamam ñom ñaar mënu ñu nek ben manam mënu ñu nuro c'est impossible sauf que lool motax xel mënu ko yann mais que yentibi sallalahu alayhi wasallam wala alquran suko waxe yentibi sallalahu alayhi wasallam manam yalla wax ko ci lamine yentam sallalahu alayhi wasallam boba dañuy mëna d'accord ci ni lool existé na mais lool mi ngi amé ci alamul khayal donc ci aduna bobu nga xamantene donc mi rencontre mom mo fam moy barzakh alamul barzakh moy le monde de l'isme wal monde des monde le monde intermédiaire donc fofu la affaire yu mon nekke legui mu ne kon tiawarte gog lol ci ngod ba rafa mu ne rawal rasul na al hakim imam al hakim rahimahullah wa sahawte wiram nak ngom na ma imam ibn majah ahmad ibn hanbal khuzaimata may han naka mo imam al a'imma wa la tayalisi tayalisi moy abu dawud wala abu dawud at tayalisi bok tak as-sijistani wala wala ñom génération mom génération deux génération avant ça dire que mom serigne ñom seen serigne lañ borom musnad la mom tamit an abi hurairah jeul ak sayna abu hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an nabi jeul yenu sallallahu alayhi wasallam no xal mu ne ma tawattana manam du dekké rajulun aw goor muslimun di julit al masajid dekké manam jakkay li salat ñu julli wa zikr ak zikr manam bu ñëwé rek ngir terci rek illa ludul yatabashbashu dakoy téru allah bu yalla ho ñëw ko manam dakoy téru and ak enthousiasme ak engouement kama kem li nga xamné yatabashbashu non lay téro ganalé manam téru ganalé and ak engouement ak enthousiasme ahlul ghaibi ñooñu aji fadu ji bi ghaibim ci sen ne fadu iza qadima bu djublu ali bu deugmal alihim ci ñom manam tay ki nga xamantene da fay dem ci jakkay ngir dem bi julli bi ki manam di def lool loolu sa yu koy def rek borom subhanahu wa ta'ala day la di content ci mom teru ko enthousiasme ak engouement bu mat comme ni nga xamantene tay ku deug ku djugge manam nit tay buñ seen keur par exemple bu fekente ne nit ki da tukki bu yagg bay ñew ci ñoo gis nga ni ñi contane bu yexé hein voilà lolu moy borom bi non lay mel ak ki nga xamne mo nekk moy ñew ci jakkay yi ngir du julli wala muy sikar lolu xam nga donc gis nga xam ko lolu caractéristique la bo xamantene ki kel dafa impossible ci yalla pourquoi parce que tout simplement manam ñun ñu xamé enthousiasme ak ki bobu engouement bobu mbikti bobu nonu surprise moko waral effet de surprise moko waral té yalla da nga surprendre ak tamit effet wu li xew la té sama xel neeku ci won wala li xew na ak mako beggone waye vraiment yalla di kuna dal manam monumako won defal sa bok lolou muy indi xetu manam teru gu neex gogou ak enthousiasme bobu nga xamantena akolan be ki nangam contane ñu ganale yoy moko indi alors que yalla mum ci jëm bopam moy dogal mbir mi mum jëm bopam moy dogal mbir mi kon lolou non sens bi muy yor manam kon mbir la mo xamantena sens bi muy yor réalité mbir mom ci alamul khayal lay xewé parce que lolou manam kon donc lolou du lo xamantene mais lolou bu caractéristique tel wala bu essentiel ci yalla mais que ci tajalliyat yi rek la bok ak ci tanazzulat yi c'est-à-dire que mi rencontre bobu muy def wati descente bobu muy def ak manifestation bobu muy def ci lolou la bok mune wa akhbara khabaran ta'ala mun bur yalla nafsi ci bopam batay ci mbir bopam ala lisan ci laminu rasulullah ndawal yalla sallallahu alayhi wasallam bi annahu nek mom yab hakku day re ha re xam nga lan moy re ha re pour mu meuna ne re tout temps ki le liñuy wax infial manam luñu subir la retat yoy yeb dañ leen di subir re mer contane yoy yeb dañ leen di subir sa bi ay acte ñoy dajalo am effet ci nit ki motax yoy surgir ci nit ki manam exister et puis retat pour mo na nek il faut que ki re am ay bëñ wala ay manam am gemin am et cetera manam am donc une forme physique bo xamantene rétane bi mën nay surgir ci mom à travers à partir de sa forme physique té loolu xamnañ dafa impossible ci yalla mais yalla par ses descentes donc par ses manifestations loolu da koy def voilà donc lolou motax monde bobu donc c'est quelque chose bo xamné de réel la lu yalla di def lu réel la mais que par ses descentes par sa descente par ses manifestations donc par ses mi rencontres avec ces créatures mais du par son essence parce que par son essence lolou dafa impossible voilà lolou gissone ñu ci biñ tolé itlaq ak taqyid mais itlaqi mom moy donc essence mom mo am itlaq et que sifati asma wa sifati tak ci taqyid la bok motax buntu bobu non mom moy moy laytay mbolam yeen buntu ci téré wa legui mu ne ci note bata mu ne al ahadith allati nga xamne akhbarana khabarna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndax ki lay ci rexanu yalla ta'ala ajkaw ju fiha ci mom kaseerat ñu bari la min ha bokku na ci ben rawal bukhari imam abu muslim imam bukhari muslim solo nañ ci sahih ma ci sen sahih rahmatullah wa malik imam malik ci muwatta rahmatullah wa nasa'i imam an-nasa'i ibn hibban nahban al-hakim wa sa'id ibn mansur wa abdurrazzaq abdurrazzaq wal bayhaqi al-bayhaqi fi sunan ci sunan yi ñum wal humaydi wa ibn khuzaimah akh ibn khuzaimah fi tawhid ci tawhid an abi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ndawul yalla di sallallahu alaihi wasallam qala neena yadhaku dana retan allah bur yalla ila rajulayn jëm ci ñaari wa ñaari goor yaqtul wa xamne ray nak ahaduma kenn ci al akhar kenen ki man ñaar ga yo xamne dana kenn ki dafa ray kenen ki yalla retan len kilahuma ndax ñaan ñu ñaan ñep yadhaku luy dug aljannat aljana yuqatilu ndax dafa xex fi sabil haza ki ku jek manam ki ñu jek rek dafa xex fi sabilillah ci yoonu yalla fa yuqtal ñu rek suma top yatubu tubal allah bur yalla alal qatil ci ki ajray ni manam ajray di yalla xirtul ko mu tub dug ci islam fa yuqatilu momin mu dal xex ci yoonu yalla angor fa yastashiru wala fa yastashharu ñu dal koy def martyr mom tamit donk ñom ñaan ñep leegu yalla reetan ñu motax al-hafiz ibn hajar rahmatullah alayhi ci hadith yi melni sax bu ko xara moy hadith li ci fatul bari da fay wax ju am solo mu ne dahiba non rek mom reetan go mais le fait que mu ne ila moy wala ne du reetanu kesse wa dahika ila moy wonane du retanu kessa mais forme d'acte la bo xamantene hein manam day wone yirmu nek yalla ak ñewantem ak baaxam jëme ci ñoom voilà mais aw walu yalla yu mag yi ñoom law lu yaal kibar ñi nga xamne xamna ñu aduna bi ñu nek di waxtane moy alamul khayal khayal ñoom gisu ñoom ñu ko gisee moy ne affaire la bu réel c'est à dire retan bu réel la mais sauf que manifestation la ak descente la bo xamantene dafa am xam nga ki ci aduna bok non ñu tuddé alamul khayal de nga wax raja solo na tamul ahmad mom ahmad wa ibn majah wal bayhaqi fi al asma' was sifat tirum bo asma' was sifat an abi sa'id mu al khudri radiyallahu anhu sayna wa sa'id al khudri radiyallahu anhu nabi jallahu alayhi wa sallam mun qala mu an qala mun salaatun ñett ngi ni yaddahku dana reexal allah bur yalla ilahum jëm ñoom al qawm ay nit ñoo xamne moy nit ñi izastafu buñu defé sappeli salaat ngir jull wal qawm ak ay gaay nit ñi izastafu buñu defé sappeli qitaal li qitaal ngir xex ak al mushrikeena ngir xex ak al mushrikeena yefeer yi way man way bokale wa rajulun ak waay jo xamne yaqumu day taxaw ila salaati bu jëm ci julli fi jaw fi layli ci gudti digg dig guddi ñet ñi yalla dafa di rek manam donc day am ben sourire bu mu len di tan bu mu len di adresser ñul contant ñom wala ngir wala wax ñoo xet yu mëne man lool moy mana manam loolu lenn la ci mana yi nga xamantene lool moy côté ta'wil bi wala comme niñ ko xamé loolu gis nañ ko gisat kan ta'wil ak tafwid bi wala ni différence bi ak lolou non amal na peut-être que jarou ñu ci ñu taxawat taxaw go upp wax gi non deug donc yoy manifestation kon voilà wa akhraja sorona rabbi abdur razzaq wa ahmad ibn ahmad wa abd ibn humayd wa al bukhari wa muslim wa an-nasa'i wa ad-darqutni fi ru'ya kitirum bi ru'ya wal bayhaqi wa al bayhaqi fi al asma' wa sifat rahmatullahi alayhi wa ana abi hurairah sayyidina abu hurairah radhiyallahu anhu fi hadithin akhar fi hadithin ki hadith akhar ki muju ci ahli an-nar ñu sawara dukhulan dug al janna di koy dug al janna ta aljana ki muju ci wa safara muy gennu safara wara dug aljana hadith bobu non qala rasulullah law ya allah sallallahu alayhi wasallam neena yentabi sallallahu alayhi wasallam fa yaqulu danan ya rabbi ay yo san borom ay yo borom bi la tajani wul ma def ashqa khalqika ki gëna taxé di ci sumu def fala yazal du deñ nak yalla muy wo di ñaan allah bur yalla hatta mbete yadhhak allah yalla reetal fa iza dahka bur reetal allah bur yalla minhu ci mom nak amina da koy day wax la ko ñeel ko ma day joxe ndigal lo ñeel ko bi dukul ci mu dug fi ha ci aljana deñ non ay dukul jannat manam mo dug aljana sani ko kon yalla da koy reetal bu ko reetane day tok di ñaan yalla yalla rek leetam ko bu ko reetane rek dal ni wa legi joxna la digal ko dug aljana non donc lolou yep dafa bok ci tanazzulati yalla wacc gi mi wacc descente voilà a tanazzulat tay buñ ko don gam gam xala buñ ko don wax ci ñun ñu ko mëna comprendre ci gatta xol tay xalé yi mo wax ak ñoo xalé luma wax ak mom langage bi may wax ak yeen parce que du ko comprendre on est d'accord mais suma wax ak mom déjà sama voix dam koy adapter duma utiliser même voix bi comme voix bu grave bi hein duma ko utiliser par rapport comme sama wax ak mom donc dam koy adapter wacce ko ba pare terme yi may utiliser tamit dam koy adapter damay wacc pour meun tolok mom niveau pour meun ko expliquer limu beug expliquer limu ko beug expliquer pour meuna wax ak mom limako beug wax. Voilà, parfois on utilise des termes qui sont en train langue que nous savons. Mais je sais que si je le dis, si je utilise des termes, je vais comprendre. Voilà. Hein? Voilà. Donc, c'est ça. Hein? Comme nous avons dit, Yann Tib Sassar, nous avons dit que c'est Hassan ou Hussein. Quand on a pris le tandarme de Sarax, il n'y a pas de prendre. C'est yentou bi sallallahu alayhi wa sallam djel baram ak dugul ko ci gemmi ni ne ko kakh kakh wala innahu la yahillu li muhammadin wala li ali muhammad gis nga sallallahu alayhi wa sallam wala xam nga lo ko wala wala terme la yo xamantene wala donc ay formula wala yo xamantene mom lolou la xam wala xale bi mom langage bi mo xam comme say par exemple sumay wax ak ko xamantene dafa teux ku teux sumay wax ak mom il faut que duma wax comme ni parce que du comprendre donc il faut que ma def ben redescente wala ben descente ça veut que ma def ben mi rencontre ak mom wala pour meuna wax ak mom def ay signe yo xamantene meun na ci signe bi ne li ma bëgg wax ni la wala et cetera. Voilà. Borom nak subhanahu wa ta'ala day doxale non ak minde fami. Mais lolu su koy def dafa am ben aduna bu mu créer spécialement difa def lolu. Bobu aduna ñu tuddu alamul khayal. Leng muna wa akhbaratan khabarana ta'ala ajka waj'al nafsi ci bopam ci mbiri bopam ando nak mom yastazi'u day yejj. Day yejj. Manam day manam so moqed. Xam nga lolou yefiku matandi la yefiku matandi la di kokkel nit ñi di len di mokewu ci ñoo lolou ku matandi ko def alors que yalla donc day te yalla lepp lu matandi dafa impossible ci mom mais borom subhanahu wa ta'ala ci tanazzulat ak yoy donc ki redescente mi def un miracle contre yi dafa minde fi daf ci def da ci yejj comme ni nga xamne non la alcorane wax ne ci sourate baqara aya 15 mune allah bur yalla yastahzi mu aji yejj bihim ci ñu waya mudum te dina tal yop leen fi tuk yaram ci seenu mbew to motax ban leen ci yaamahu lu ñuy denk denk ñu gëreum ñu nekk ci ngeelumte et pour di xamatuñ ci lu ñu nekk nafiqi la wax wa akhbar khabarana mom borom bu batay wa ta'ala ajka ci an nafsi ci mbir bopu ando rek mom yamkuru day teerel pexé moy ruse teerel pexé ruse xam nga ruse ku koy def moy tan moy ki nga xamné xamna ni manam bu ko defé ci kanamu nit ki complètement ci kanamu kim koy def sans mu teul pexé mom waji da koy découvrir et que su ko découvrir pour mbir mi meuna nek lim beug manam fin wala objectif duko duko meuna atteindre lolou motax lu yus pexé du koy teul hein duko na tendre un pied faire pexé yo té comme borom subhanahu wa ta'ala mom xabaare na nak mom day teural pexé donc lolou tamit yépp ci xayal bobu la amé léngi mu né wa makaru ñi ngi teural pexé wa makarat teural na pexé Allah bur yalla ma fekk yalla mom teural na pexé wallahu bur yalla khayru mo gën ci al makiri na ñi teural pexé yépp manam mo dakk teural pexé ñepp wala sourate ali imran ayat 54 niki nonu ci sourate al anfal ayat 30 mu ne wa id fatliku bi nga xamne yam kur ma ngay teural pexé bi ka ci yow alladina ga nga xamne kafaru dañu lo dañu wel lis bi tukki ngir ñu saxal la fen manam moy bi gaay daaru na do bobu donc voilà le comment nous lañ tudde won kéro on ñu ko tudde won deed wa ci sahifa am na ñu tudde don daaru na do conseil de sécurité voilà le conseil de sécurité dañu dajé né voilà né voilà légui fa gis nga dé ñoom yak nañ teurul fa xéré gis nga gaay lu gis nga finalement ni mu jëlé né bon écoutez ni def moy dañ koy wutal fexé bo xam tane une bonne fois pour tout dañuy paré ci mom dañu paré ci yéne bi salaam ñu fi non lañ waxam légui iblis ñew fekke ci ko kérok iblis dako jaral parce que réunion bobu dafa am solo ci mom ba nga xamné daf ko jaral mu déplacer en personne manam yor forme nit mais man ben pa ben yor ben forme pa aussi nga pa jo ak gissal ñu né dama bëggoon dama yitt seen xew xew bi seen réunion bobu am solo bi han motax mu ñewoon fu fekke ñu né ko non mais yow c'est que xamuñu rek ki refo deug mu né man najj la joggé et puis quoi importe ku ki la fofu nangam wax dal ba gaay baay fu mu duggu mais dal vraiment yakarna na mën na len dool xel ko biñu duggé am ku jogné yentibi kat sallallahu alayhi wasallam niñ ko wara def moy dañ ko wara assiéger fenn genre résidence surveillée légui nga xamné dootul génnati man prison bo xamanté na dañ koy fat après rek hein diko voilà diko sanni leg leg lu muy dundé ci kaw rek mais dañuy fat lepp fi mu nek manam neeg biñ koy duggal mu ne iblis ne ho man lima nakar rek moy dina recc parce que lool bo len ko defé gaay dañuy dem wuti ji do la fe den ñew ñew genné ko après kenen ñew ne kon nañ ko genné dekk bi mu ne ah mu yuxoti ne lima nakar rek moy dana recc bo pexé djubut dana recc rek ndax bu guéné day dem wuti ji do la fenen après bu ñëwé dana di note après na ci Abu Jahl teural wax manam idi bu kibi ne légui ni ñi def moy dañuy fexé ba comme tribu yu nek fi yep keur famille yep dañ leen di woutal jasi wala épée wala yu mel non ñu ñew kenn ku ci nek ñu ñew ci kanamu yent bi salaama mam fekk fu mu teul ñu yep ñu jamando ko ce qui veut dire que wa famille yu ñom buñ bëgge fayu duñ xam ci ku ñuy fayu buñu laaje rançon ñu dajal suñu rançon jox ko après mais on a honoré régler le problème quoi voilà hein leg biñ waxé lolou iblis na ah ok idée bi mo bax legui nak mom la alcorane di jundou fi wala nan wa is fatlikul bi nga xamantene yamkur ma ngay teural fexé bi kal ci yow alladina gaay nga xamne kafaru da noy wet liss bi du nga ngir ñu saxal la manam ñu tejj le ci kasso wala resultat surveiller non aw wala bok yaqtulu ko ñu ray la aw wala bok yu xey jox ñu genn la dekk bi wayam kuru ñu ngi dara fexé wayam kuru fek te lan la fexé allah bur yalla wallahu bur yalla khairul makil mo gën ji mo daqatu fexé bi voilà suratul anfal aya 30 borom bi xabaarena tam munew anno daga borom subhanahu wa ta'ala adika istawa yemona ala arsh ci arsh manam etablir wu na ci kaw arsh installer wu na ci arsh arsh moy trône lool tamit dafa bok ci han ci alamul khayal manam loolu nonu fé bobu et attribut bobu dafa bok ci alamul khayal c'est-à-dire le monde intermédiaire wa mi rencontre le monde imaginal de la fiction fofu la borom subhanahu wa ta'ala agiré ci situation bobu voilà def lool manam yémo ci arasham mais dou comme ni dafa nek ben djëm physique bu tok ci kawarash c'est-à-dire yi ñi wax yépp du né yalla da ko def par son naissance dédé ay manifestation la ak ay descente donc il faut ñu comprendre aspect bobu deng donc sourate al-araf donc borom subhanahu wa ta'ala wax sourate al-araf ay 54 ak sourate yunus ay 3 wala amune inna al-yurwur wa rabbukum sawsan borom allah moy bur yalla alladhi mi xamna khalaqahu bi as-samawati as-samani wa la'a sufi fi yasi tay ay am juroom ben fan summa top istawa yumu yumu ala arshi arshi yumu ci kaw arshi yo buñu paré inshallah dinañ def ben résumé voilà parce que il faut yakarna il faut ñu def résumé ci notion bi ni manam notion yépp ñuy wax fokk ñu def ci résumé bo xamantene dañ ci expliquer naka lako manam borom xam xam ni manam wala bok xet bi adika la communauté nan lañ comprendre texte de manière générale avec divergence yi am ci ñi joom ak ci ñi japp deug gi ci ñi joom ak ci ñi japp deug gi ak ci bir ñi japp deug gi ñom seen niveau naka la wuté bi niveau nak moy bi gëna kawé en fait moy bi ñi wax c'est le niveau le plus haut le plus le suprême en fait le top le summum bi nga xamantene moy niveau nitu yalla yi ñom ni lañ koy comprendre dañu jël wax gi ñu bayiko ni mu nekk ñu d'accord ni ni la déme exactement sans ñu changer ci dara mais ñom dañuy comprendre que ni du par son naissance la ko yalla def mais par ses manifestations et ses descentes donc la am li yépp di xewé bi moy niveau bob moy bi gëna tawé donc yow façon bi ni so arrivé so mëna arrivé à concevoir quoi parce que tamit voilà so mëna arrivé à concevoir mam say ses perceptions mëna am accès ci ni c'est parce que comprendre un terme amna voile yu bari bari bari yu denc ci yow tamit en même temps et que ce ni jarou ngay attendre wu ci yenen explication parce que bi mom moy le somme moy aussi bi nga xamantene mom moy bi gëna wër té moy bi gëna djub yépp voilà parce que bi mom moy bo akabiru al fini ñom ñoo comprendre lool voilà ñoo comprendre affaire bobu non notion bobu c'est-à-dire que ni yépp borom subhanahu wa ta'ala limu def moy né yépp daf koy def ay mais ay manifestation wam lañ ay descente limu def la comme limu wax ci descente manam par rapport ak boy exprimer wu ak keneen ko xamantene seen niveau dafa wouté lool ni ngay wacc ba ci mom wala xale bu tuti bi nga xamantene gis nga boy gis boy xolal soy nax xale bu joy nga diko nax ni ngi koy defé non ak diko ak yi moy ngay wax ak leen ngay utiliser sax terme yo xamne amul sax ay hein wala animo yi ah wa bu deug animo yi soy wax ak ñom da ngay def descente c'est-à-dire que da ngay wacc ba ci seen niveau pour mëna exprimer ak ñom pour meuna voilà borom subhanahu wa ta'ala dafa def descente bobu pour wax ak ñun ci alamul khayal manifesté wu ak ses attributs là voilà donc d'où son essence mo koy def mais c'est ses manifestations. Il y a une différence entre l'essence divine et ses manifestations par à travers ses noms et attributs. C'est-à-dire que lolu so comprendre rek c'est parce que vraiment comprendre la question yépp li nga xamantene mom mo ci war li nga ci wara ja comprendre nga ko et de la manière la plus parfaite voilà et que aussi c'est parce que aussi voile yu beure beure dañ nañ parce que borom subhanallah dafa na dévoilement bu mat ci côté bobu voilà deng borom subhanallah nana allah bur yalla alladhi moy nga xamna rafa'a moy yekati as-samawati asman bi ghayri amadin ci lu amul keno tarawnaha bo len di gis manam amul pilier muy tire asman ci buñuy gis donc buñ dul gis amna ay buñ dul gis amna mais buñuy gis amul yalla mo tire asman ci sans pilier buñuy gis summa top istawa muy mu ala arsh ci arsh ci kaw arsh moy sotu rad ñaarelu ay bi ci dess moy sotu taha juromelu ay bi moy arrahman bur yalla ala arsh bi ma bur yalla bi aji fess delu jeeruma de ala arsh ci kaw arsh istawa ci la yemu voilà c'est à dire que bi tamit exemple la donc ci borom taala xam nga entre allah ak arrahman nit ñi meun remplacerante parce que yalla allah moy turu yalla bi gëna mak mais bu zahir bizarre voilà c'est à dire que donc so demé ba comprendre sans Allah c'est parce que comprendre tour yalla bu gëna mak mais que bizarre parce que amna bu baté bo mo gënal fort encore en fait parce que bobu dafa dugg ci intimité voilà dafa dugg ci intimité et profond le très fond voilà le très fond ak voilà légui cependant hein le très fond non mais c'est quoi le nom ah non le nom c'est le grand nom le suprême mais c'est quoi le nom mais ça se dit pas même si je le savais ça ne se dit pas. Même si, voilà, je le savais. Voilà. Donc, d'ailleurs, c'est un nom. Nous beurrions une fois, mais comment que mes amis quoi. C'est un nom qui est réservé qu'à une élite, mais nous tous. Tu acceptes à Gofati, pour commencer. Donc, du tout le monde. Comme niko gaay foge ne tour le buy taxawalu ci mbedd mi ñu bari xam ko dedet wala wala du ki c'est un nom confiné dissimulé très wala borom bi def ci fiir parce que xolal tour bob de façon ku ko xam di nga xam ni xam ko parce que ku ko xamul rek war nga xam tamit ni xamuko. Pourquoi? Parce que c'est un nom bo xamné yéfir manam le mécréen su taxawon ci kaw place bi gëna ñak bi gëna sobé wu ci bir force par exemple tuddu tour bobu né yalla na aduna bi di tukki ligi parce que lo ci lat yalla da koy def ci saasi donc ce nom selon mais vraiment ko ça marche bu ñak solo gi sax xam nañ ni vraiment buñ ko yoré dinañ xam ni ni ñu yor lu mag la dinañ xam ni ñoo yor nañ ko voilà mais yow mu leer na ni li nga yor melu non nga bëgg gëm lo sa bop ben yow non mais attendez voilà. parce que ñu bari tamit ahamun bi lañuy xam rek fokk nga xam nañ ismu bu mag la na la ahamun ni ni nak dal ki dal bu ci waxtaan ak kenn ndax bu tur bu mag ni fokk me yor te d'ailleurs lool même ci caractéristique façon tour bo mu nek caractéristique bo rek moy forme bi gëna part bi gëna superficielle ci forme tour bo déjà waxuma la nak ndou bëgg japp ne moy tour yalla ñu yalla sam amu yalla sam ak yenen voilà donc hein comme ni ñoo la na ci do nete ah xamna waji dafa ñew ben ki sen ben en tout cas xawmu en tout cas ku ñu doot soit dañu bokkol classe wala yoy dal ndaw si mo len wax ne len sans papa serigne bu mak la borom xam xam ki walu mak mak la ki nangam ne ngi gis ko mu and fa nak ndey san serigne mom ñu dal dem fa buñ fa deme say tabi ne je connais ismu la jami al azam lo wax bismillah kone ismu la jami mais y'a la pifou j'en fais beaucoup par jour hein que oui j'en fais 2000 voilà après nak bon mais nak ñom nak apprécier nañ pas parce que pas bi il était ouvert par rapport non et puis que da len don voilà quoi dafa serviable par rapport ñu et puis tamit bon voilà quoi amna da nga gis na dal borom yeenu gu sel la quoi voilà mais bon après ils ont dit que ah genre rien de no bari quoi voilà genre rien de no bari ah da no bari quoi ñoo xamantene en fait xamuñu parce que tout simplement dañ len di wax ne dañ li moy di di voilà et que ñu japp ne maintenant ils sont au-dessus du monde du au-dessus de l'univers voilà et que bu cheikh tidiane wesso ñoo fi tax donc té lolu tout ça c'est erreur là de compréhension et d'appréciation voilà il faut que ñu comprendre que ni parce que tamit dafa am yo xamantene ñëmé yalla la quoi et puis nax sa bokk la voilà parce que ay haqaayit yo xamantene yow danaka yi ngi ci xam barawul wala yi nga xamantene wala bokk lo xamantene directement amul benn bo xamantene wala li la ci borom subhanahu wa ta'ala feñal wuñul lako directement sans intermédiaire bariwul manam sans intermédiaire visible bariwul wala sax danaka inexistant la nga bëgg japp ne que yow ya nek au sommet du monde voilà ça veut dire que maqama bu ne nga wote wako japp ne voilà ya kilifa aduna bi wala ci ni ci wala bo kilifa bi ya ci tew xet yoy yoyep ay xetou kilo woru la yo xamantene day farat di arrivé yalla ñu yalla sama faut tout temps être dans voilà comme ni do wax kérok rek ci wuro wax la c'est à dire que ben titre mo fi nek bi nga xamantene mom gaay duñ ko jëkënte da na sidal qadiran lolo radiyallahu anhu sidal qadiran ben na ci buntu yi manam buntu yi ñi dem ci yalla mais buntu buma dem dama fekk nit ñi fess fa rangé fess fa del gaay du buukante manam pour jaar day wo day jafé mais ben buntu la dem fekk fa fekk mu yarax kenn newu fa ma jaar ci bo buntu dem dugg moy wacce sa bop buntu wacce sa bop la modestie et l'humilité voilà fof mom bama fa ñewé gis na na gaay kenn buukante wu ma jaar dam sa bop voilà gis nga lolu moy ci bi tamit manam buntu bobu tamit mom la yalla woutal yenen tam bi sallalahu alayhi wasallam moy obodi yegi la servitude ah le fait que nga sentir ne yow jam nga sa serviteur nga un sujet nga un esclave pauvre nécessiteux insignifiant voilà tekki wul voilà manam kokou mom la tanal yentou sassa mais sino yeneen yi jeuf effectivement gaay buxeunt nañ ko ndiekeunt nañ ko ba ñoom ñep yanu nañ ko fim tool bo xolé titre yeneen yi ci dess yep boy sétu titre yep gaay jeun nañ leen ko paré té da nit aduna yi ci bopum ñoo leen di jël fim tool bo xolé titre diw serigne la diw cheikh bi bi na waji sax mom gis nga ñeen nitu aduna yi sax légui ñoy wax na man la cheikh bi deug voilà hein voilà titre ma xétu titre yu bari ni yi gaay di joxe arif billah bek nangam lay gis nit ñoo xamantene da naka xamuñu amuñu benn initiation ci maarefa mais nena ñom arif billah la do titre yeup gaay jëkënte nañ ko ba jël nañ ko ba paré ku nek attribuer nako ba paré ku nek attribuer nako kam ko bëgg attribuer kam ko bëgg attribuer attribuer nako ko mais benn titre mom moy bi nga xamné mom mo fi dess té bobu mom mo jàr ñëkëte moy bi titre jaamu yalla juste un simple serviteur voilà et que donc nga identifier wu tout simplement en tant que un simple serviteur wala ko xamantene jaamu yalla nga bu bugul benen titre benen la parce que yenen titre yeb ay titre honorifique lañ surtout suñu jamono ay titre honorifique rek lañ parce que ku nek xamna ni jamono ji ñu ne baatu bu demene ke serigne ay cheikh tierno xel tour yoy ku nek xamne dafa honorifique rek mais yoruutu ñu deug les vraies caractéristiques yi nga xamantene ñom lañu ñan ka daan wax bu ñëk nañ melo voilà c'est vrai nak li may wax ni wax la bu général du wax bo xamantene dañ koy appliquer ci individualité bu ne parce que amna ño xamantene effectivement yor nañ titre wo wala jox nañ len ko effectivement il l'ont beaucoup mérité ba mérité sax du ko man parce que ñom deug la ko doon sax nit ñi mu ñu imaginer lolu amna mais li moy wax de manière générale donc ce qui fait que titre yi jël manam la nga doon ci yalla li yent bi waxon sala sam sayyidna ali karamallahu wajhu bi mu ne day effacer rasulullah bi ci pacte hudaybiyah bi sulh hudaybiyah bi bam bañon welu parce que effectivement man du ci keuyit gi manam bindu gi ni bindu ne man sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah ndaw yalla mais du ci keuyit gi la am importance manam ki ñu def ko ci keuyit gi ñu bañ ko ci def importantul la li important moy ma réalité lima doon man deug mo lo mo important bu lu ñepp japon di la tagge jox la titre yi gëna mat ci titre yi té doono ko ça ne sert à rien bu lu ñepp tutulon doyal la xépp la lool japp na do dara té yow titre yi gëna honorifique yi gëna mag yi gëna parfait yor nga len ci yalla ci yenenti bi saaram ci cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu voilà yow yay wajjo donc réalité bi du changer selon nit ñi vision bi ñi am ci yow wala dëtt loolu du changer donc yoyep jarul voilà ñoru jëkënto fi dal yi gaay jëkënto yep jaruko bi mom moy bi nga xamne mom te bobu la yenenbi sallalahu alayhi wasallam bobu lay contane ci mel non yalla mom la ko tangé mom la jël melo bobu hein rangu ko melale ko mom ci jëmi bopam lool lay wax ne man lool neela deelal ma wowe non abdullah wa rasul ndawal jaamu yalla la ak ndaw khalas wala ma xamantene qutbu zaman nga xamne moy yilif aduna bi yep univers yep ci diwanu salihina sen assemblée saint bi abdullah lay koy wowe jaamu yalla lenen lan nga bëgg à part nek jaamu yalla pourquoi aspiration ci am benen titre bu bokut ak jaamu yalla pourquoi benen aspiration bu upp nek talib yanti bi sallallahu alayhi wasallam manam nek ci soufu yanti bi sallallahu alayhi wasallam djel ko comme model pourquoi benen titre parce que bon titre gënuko honorif gënuko noble gënuko noble gënuko honorable moy non roy roy yanti bi sallallahu alayhi wasallam nek han jeuwriñum diko ligéyal titre gënou ko honorable titre gënou honorable nek talibé sé rahmatou djane radiyallahu anhu mam nek rek talibim manam ta baña voilà titre gënou ko honorable après ñi ci dess ñep nak ay talibum lañu voilà wala ci biir seen biir nak amna ñu mu tan pour li ñeneen mu tan leen pour le ñeneen mu tan leen pour lenen ñeneen mu tan leen pour lenen mais ñun ñep ay talib yu wala son ces disciples wala parce que mënou tag nit ba ni du talib cheikh manam ci wa tariqa bi motax ma wax wa tariqa bi ko ci tag ko lu mu reey reey tag rek buñ la laaje ndax talib cheikh la boone non be du talib cheikh rek moy tag moy tag wo yep yak ko yak nga tag yep. Donc, voilà. Donc, ça c'est tout. Voilà. Hein? Voilà. Voilà, nous avons dit que nous avons fait ça. Nous avons dit que nous avons fait ça. Nous avons dit que nous avons fait ça. ci alamul khayal inshallah wallahu ta'ala sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin